vidéo, on fait pas de, on fait plus de chronique jeux vidéo parce que évidemment ça dépend des heures. Les heures sont pas différentes, mais quoi qu'il en soit, ben on s'est trouvé un moment et on parle avec René Cadieux, notre collaborateur du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo. Salut René. René, on va faire une chronique, trois chroniques dans un. D'abord, il y a plusieurs jeux vidéo qui sont sortis à l'automne. Habituellement, par les autres années, on faisait ça, une chronique par jeu, mais là, on va la faire vite, là, pour parler des trois jeux. D'abord, NHL. J'ai joué mon premier match avant-hier. Ça ressemble pas mal ça ressemble pas mal à ce que c'est aux autres années, hein? Ben, ça dépend, toi, tu joues sur PS4. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, dans le fond, si on joue sur les vieilles consoles, on marque quelques changements, mais c'est au niveau de la mécanique, on la sent un peu, mais on la sent un peu moins qu'avec les nouvelles consoles. Le jeu a vraiment été fait pour passer tranquillement aux nouvelles consoles, qui est la PS5 et la Xbox Series S. C'est que, tu sais, c'est plus le jeu a été pensé pour s'en aller là-dessus dans le futur. Oui, il y a des versions PS4 et Xbox One, mais c'est sensiblement la même affaire, mais un petit peu moins bien. Ben, t'sais, dans le fond, un petit peu moins bien. Il y a des rehaussements sur les autres versions, dont les graphiques. Les contrôles vont rester généralement la même, la mécanique de jeu aussi. Mais tu sens vraiment le changement quand tu vas jouer sur une console de génération au niveau du visuel. Le jeu est vraiment plus beau avec le moteur Frostbite. Mais cette année, enfin, il a décidé de donner le moteur Frostbite à NHL. Donc, les FIFA et Madden, ça longtemps qu'ils tournent là-dessus, mais là, c'était le tour de NHL, enfin. Fait que, ça va permettre de rattraper un peu de retard et de nous donner des jeux visuellement un peu plus beaux et oui, avec un futur plus réaliste, si on veut. Ouais, mais moi, donc, sur le 4 et 5, c'est quoi la grosse différence? Moi, évidemment, j'ai encore le 5, là. Puis moi, François Ben, comme Paquette, je te dis, me dis, moi, que pour la différence, il n'y a pas une si grosse différence que ça. visuellement, pour y avoir joué sur les deux, les chargements est un peu moins long sur PS4. Visuellement, il est plus beau sur PS5. Ben, moi, je l'ai joué sur Xbox One puis Xbox Series. Fait que c'est comme côté PlayStation. Moi, mon collègue l'a joué PS4 puis PS5. Il me dit que visuellement, il y a une coche, mais sinon, côté mécanique, côté truc, c'est les temps de chargement qui vont changer. Mais c'est côté la grosse mécanique de jeu, ça reste pareil. Là. On va faire deux engins différents juste pour les deux versions. Là, ils ont fait les deux versions avec le même engin. Puis on décide de donner. Il y en a un qui a. Le console va être interprété un peu mieux, plus rapidement. Puis va nous offrir, comme je dis, un visuel plus beau, mais ça reste encore là. Si tu le joues sur une télé qui va pas faire ton 4K, full 120p, puis pousser au bout, c'est sûr que c'est côte à côte. Tu vois la différence. C'est pas à tout casser. Mais c'est pour 10 piastres de différence. C'est à peu près la différence que tu as entre les deux, je te dirais. OK. Donc, tu donnes comment la différence? Donc, sur PS4 et PS5, comment tu donnes ça, là, donc ta cote là-dessus et les nouveautés, c'est quoi? Ben, les nouveautés cette année, comme je te dis, ils ont changé un peu l'intelligence artificielle. Ça glace, les goalers opèrent un peu mieux, vont réagir mieux. L'un des gros changements, c'est le X-Factor qu'on voyait déjà dans Madden. C'est une affaire pour justement le. Comment dire, les joueurs, les superstars vont avoir un pouvoir qui vont être propre. Mettons, McDavid va être plus rapide, meilleur pour manier la rondelle. Crosby a aussi un pouvoir. T'sais, tous les gros noms, les gros joueurs ont un petit pouvoir qui vont voir la différence avec un bonhomme normal dans le jeu. C'est, mettons, tu vas mettre un Crosby à côté d'un Gallagher, mais tu vas sentir que le Crosby est une coche en haut. Fait que ça va te rendre à faire des meilleurs jeux, des meilleurs. Là-dessus, oui, ils ont amené ça, c'est des nouveautés. On l'avait déjà, comme je te disais, dans Madden et dans FIFA. Pour eux, c'est pas différent, mais dans l'échelle, on a enfin amené ça. Fait que, oui, ça me donnait un jeu avec une intelligence un peu plus poussée. Et les gardiens qui vont payer mieux, c'est notamment Carey Price, mais il va jouer mieux entre les filets. Un McFlurry va réagir mieux sous la pression, et ainsi de suite. Donc, ça va avoir plus d'impact sur les gardiens. On sent cette différence-là en jeu. Sinon, grosso modo, le jeu reste sensiblement pareil. On va faire les mêmes jeux. Il y a beaucoup de bugs, malheureusement, mais ça, mon cas, ils en corrigent chaque jour à chaque fois qu'ils font des mises à jour ou des trucs comme ça. Mais on en sent encore un peu. Mais il y a des taux de passe-passe qui sont réduits. On peut encore les faire, mais ça, mettons, aller dans le filet gauche-droite, gauche-droite, tirer. Avant, on marquait quasiment automatiquement. À ce stade, c'est un peu plus difficile. va y avoir des défenseurs qui vont se mettre dans les lignes de tir, puis les gardiens vont faire les arrêts. Fait que, on sent vraiment un côté intelligence artificielle, une amélioration, mais c'est, si l'année passée on pouvait passer, cette année, c'est une bonne option pour justement, bon, ben, je vais aller racheter, puis j'attendrai l'année prochaine pour si j'achète quoi. Cette année, c'est une option qui vaut la peine d'être achetée quand même, malgré que il n'y a pas des changements à profusion, là, mais il en reste que quand on avait changé le on se rappelle quelques années, quand on avait passé de Xbox 360 à Xbox One, de PS2 à PS4, de PS3 à PS4, le jeu était lit et on avait tout enlevé des menus, on avait tout en. Fait que là, cette année-là, on a un beau jeu, on a un jeu stable quand même, malgré les bugs. On a un jeu avec plusieurs modes de jeu, tous les modes de jeu étaient là, les modes franchise ont été revampés un peu, on a le Kraken qui est là. On a la possibilité, justement, comme je dis, de faire la franchise. On a le mode, lui, ma belle petite était là, elle est passée, le ECR, le RH, en tout cas, tu vas choisir, tu vois, comme le jeu de cartes, le Ultimate Team, qui était comme axé, si on veut, pour le gaspiller de l'argent, gaspiller des points, celui-là, c'est, on a comme des jeux de cartes, on pige des cartes, on va se former une équipe, notre but, c'est d'avoir les meilleurs joueurs dans notre équipe, faire notre équipe étoile. Mais on a un petit mode qu'on est un mélange entre un mode arcade et un mode cartes, on nous donne, fait choisir des cartes parmi des vieux joueurs, des nouveaux joueurs, comme, moi, j'avais dans mes troupes, j'avais Marcel Dionne, j'avais Mario Lemieux puis Martin Brodeur. Ça, c'est, on te fait choisir ça. Si on t'emmène dans une patinoire à du 3 contre 3 avec ton gardien, avec du 4 contre 4, où c'est que tous les coups sont permis, il n'y a pas d'hors-jeu. Puis, le but, c'est de marquer des points, mais on peut le jouer en ligne, on peut le jouer en contre des autres. On donne des points pour se procurer des affaires. Fait que, ce mode-là, j'ai quand même fait ça à l'Ultimate Team parce que je trouve justement que le jeu de cartes, c'est gaspiller notre argent. Puis, c'est, on peut aimer ça, mais moi, j'accroche pas avec ce mode-là. Avec les cartes, c'est sûr, j'ai pas beaucoup de jeux, de temps de jeu, puis c'est pas le seul jeu que je joue, là. Je sais pas si je jouerais juste à ça, ça serait mon jeu de l'année que je me paierais. Peut-être que ce mode-là, je l'aimerais plus, mais étant donné que je touche à bien l'affaire, j'ai pas le temps jamais de m'investir vraiment beaucoup pour ramasser plein de cartes, là. Fait que je porte moins attention à ce jeu-là. Mais c'est un bon 8 sur 10, comme je te dis, c'est allé. Mais, on en veut plus l'année prochaine parce que, on peut pas rester juste avec rien d'autre. Ouais. Fait que, moi, c'est sûr, j'ai tout le temps pareil parce que c'est les line-up et tout ça, mais j'ai pas vu vraiment de grand changement. Donc, tu donnes comment? Non, mais c'est allez, un 8 sur 10, mais je sais pas si ça t'a fait ça ou là, peut-être un star qui a dit qu'il revenait était là, mais en début de saison, en début d'année, quand on fait une mise à jour, si tu vois les matchs immédiats, les matchs rapides, notre soleil canadien, mais Price et Weber n'étaient pas dans la ligne même. Non, c'est vrai. Pas dans une équipe partant. C'est mais là, pour revenir, parce que oui, c'est des gros morceaux, là, mais Weber va être possible de jouer avec lui branché. Il a peut-être à jour, mais on ne l'aura pas de la saison, d'après moi. Ouais, effectivement. Si on parlait maintenant de donc Madden, je l'ai acheté encore là. Y a-t-il une grosse séance PS5, PS4? Madden, honnêtement, avec toi, je l'ai pas joué. On me. J'ai pas. Ça n'a pas donné. Puis donc, je te dirais que le côté de ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, il vaut pas nécessairement la peine. Ah, regarde, comme... C'est décevant. Je parlais avec François Paquette, qui est un de mes collaborateurs, puis lui aussi, c'est un amateur de jeux vidéo, puis très décevant. Il m'a dit en affaire, puis j'ai même vu qu'il y avait une pétition pour retirer la pétition des fans de Madden pour retirer la licence à EA Sports. Bon, ben, c'est que ça, disons que, tu sais, depuis quelques années, ils font un jeu quand même correct, sans plus. Ben non, mais il n'y a pas de grande évolution. Il n'y a pas. On dirait quasiment qu'il y a des lacunes et qu'il y a des. Le jeu est beaucoup moins intéressant. Ceux qui ont joué, ceux que j'ai entendu jouer, moi, comme je te dis, je l'ai joué vaguement avec le Game Pass. Hein, j'ai eu accès à. J'ai pu jouer, mais pas assez pour en faire une critique. Puis, honnêtement, je trouvais tellement que c'était décevant. J'aurais été dans les 5-6. J'ai pas trippé, j'ai pas aimé mon expérience. Un jeu était. C'est quand même un jeu, sensiblement. Tu sais, c'est des détails. Tu vas me dire, c'est des détails insignifiants, mais tu sais, un reportage sur le terrain, tu sais, on a pas ça. Tu sais, les autres, je sais pas c'est qui la licence, qui ont la licence des Esports, de 2K, puis NBA de show, mais c'est le fait qu'on voit ça, des petits détails niaiseux, mais qui rentrent, que pour moi, c'est le fun. Tu comprends? Bon, ben, c'est ça, dans NBA de show, on a. Tu sais, Harry Wiley sur la ligne. Tu sais, hein? Dans celui-là, non, il n'y a pas grand, il n'y a pas d'enrobage. Le côté visuel, ils n'en mettent pas beaucoup, mais comme je dis, c'est la seule compagnie qui a le football, qui détient le football, on pourrait dire de ça avec NHL, puis on le sent parce que depuis des années, c'est le jeu tout le temps le moins intéressant. Mais tu sais, côté Madden, avec l'argent, avec la foule de personnes qui a ça, on dirait qu'eux autres se sont assis leur laurier, on dit on a le jeu, il marche, on continue à le vendre, on le vend pareil chaque année. Puis on donnera une suite, le jeu, il n'y a rien d'intéressant, puis on commence à trouver endormant, mais on est rendu qu'on veut quelque chose de plus. On a des machines qui poussent plus, qui permettent des calculs, des affaires de même en plus grosse quantité. Et c'est très temps que justement qu'on nous donne quelque chose d'intéressant. Ou au pire qu'on adopte la version, on va juste faire des mises à jour chaque année pour les line-up. C'est ça, pendant une couple d'années, tant de faire un jeu effrayant dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, on sort un jeu, un gros morceau. Après, on vient, ça, c'est tout le temps en tant que joueur, puis en tant que on joue à des jeux de sport depuis des années. Je me suis toujours demandé pourquoi justement. Oui, tu vas me dire, ils vendent à chaque année, ça vend, oui. Mais ils en vendraient tout autant si c'était des mises à jour à moitié prix. Ils en vendraient peut-être plus. Ça serait peut-être du monde qui s'est intéressé. Là, c'est rendu que je suis moins pressé, m'attendre le Game Pass. Puis, tu sais, ils vont être sur le EA Play qui appelle. On va le jouer là. EA Play gratuit. Il est correct, le jeu, il vaut la peine. Mais avoir payé 79-90$ pour ça, je te dirais que je serais comme toi déçu puis je serais fâché parce que c'est justement ce qu'on a. On n'a pas de quoi qui vaut la qualité là. Sinon, l'année passée, j'avais de quoi qui était correct. Pourquoi cette année, tu me changes? Tu sais, tu m'offres la même affaire avec des alignements à jour. C'est correct. M'offre-moi juste des alignements. 100$ pour des alignements avec les taxes. À un moment donné, ça vient cher payer. Effectivement. Donc, c'est très, très, très décevant. Penses-tu que le fait que la NCAA est arrivée, la NCAA qui depuis 2013, qui font pas de jeu. Penses-tu que ça a joué le fait que Madden, on s'est assis sur nos lauriers? Non, je pense pas, parce que comme je te dis, c'est vraiment un vendeur. Chaque année, ils vont aller chercher un bon montant avec ça. Mais tu sais, là, justement, peut-être le fait qu'ils développent tranquillement un autre jeu, on dit on va mettre plus l'accent sur l'autre pour revenir en force, va nous vendre autant, tout autant, sinon plus, parce que c'est une série, on sait qu'aux États-Unis, c'est fort. Peut-être qu'ils ont mis plusieurs développeurs sur la version NCA qui va arriver un jour, là, qu'on a dévoilé, mais qu'on ne sait pas trop quand, trop de détails là-dessus. Puis on va mettre moins de monde sur Madden. De toute façon, on a un jeu correct qui fait la job pareil, et qu'on ne la mettra pas plus. C'est peut-être ce qui fait qu'on n'a pas de nouveauté, puis on n'a pas d'innovation dans Madden, puis qu'on va avoir, comme je te dis, un NCA un peu plus à la hauteur d'attente, puis tu sais, ça va, ils vont rester fort dans le dash, si on veut, parce que. Ils reviennent avec quelque chose qui était mort, mais qui marchait déjà dans le temps, avec les droits et tout ça, puis ils vont dire, on vient d'avoir cette licence-là, on va leur offrir un produit de top qualité, justement pour garder nos droits, mais ça reste à voir ce qu'il y en a pour ça. Là. Comme je te dis, il n'y a rien de garanti là-dedans. Hein. Mm-hmm. OK, FIFA maintenant. FIFA aussi, c'est un jeu qu'on n'a pas vraiment joué non plus. Disons, cette année, on a passé par-dessus en manque de temps. On a eu plein de jeux entre-temps. Okay. Et avec celui-là aussi, j'ai pas eu la chance de. Ben lui, j'ai même pas eu la chance d'y jouer encore. Pour être franc. Okay. Je veux l'acheter pour les vendredis fous, parce que ça fait quand même. Ça coûte de l'argent pas mal. Fait que les vendredis fous, ils baissent à 40$ souvent. Ah, ben ça, c'est vrai que d'après moi, il va valoir à peu près ce prix-là. Hein? Pardon? D'après moi, dans les vendredis fous, ça va valoir la peine. Ouais, effectivement. René, gros merci, au plaisir de se parler. J'imagine que ces jeux-là vont être encore en 2022 et on va les voir encore sur PS4. On a encore pour au moins une couple d'années, hein, avec surtout que les PS4, c'est... Ouais. Ben, c'est que les autres sont durs à trouver des chances, mais d'après moi, ça va... On va pousser vers l'autre bord. D'après moi, ça va devenir plus standard sur PS4, puis ça va aller avoir des jeux plus poussés sur les PS5 et Xbox Series. Là. Ils vont vraiment mettre le paquet là pour justement pousser le monde à vendre. Ben effectivement, il faut qu'il y en ait aussi des PS5. Tu sais, c'est ça. Ben c'est ça, il n'y en a pas encore avec les pénuries et tout. Fait que, ben, oui, les pénuries ça va gagner un peu de temps, puis ils vont le toffer un petit peu. Hein, mais... Puis, les pénuries Blue Chip qu'on appelle, là, donc ça c'est... c'est quoi la puce, les puces, là? Donc, fait que c'est ça. Ben, René Cadieu du site game-focus.com, on te remercie. Plaisir de se parler. Okay. Merci beaucoup. Voilà, René Cadieu du site internet game-focus.com, le site de jeux vidéo.